Bonjour. Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Une baguette. Autre chose? Oui, 3 croissants et 2 pains au chocolat. Et qu'est-ce que tu veux, Justin? Une part de tarte aux pommes. Bon, une part de tarte aux pommes, s'il vous plaît. Voilà, madame. Alors, 11,60 €. Vous payez comment? En espèces ou par carte bancaire? Par carte. D'accord. Votre code, s'il vous plaît. Et voilà. Merci. Merci, madame. Au revoir et bonne journée.